Spiritual growth becomes a very important thing. La croissance spirituelle devient une chose très importante. In this whole conversation the Lord is having with the church. Dans cette conversation que le Seigneur est en train d'avoir avec l'Église. Hebrews chapter 10. Hébreux chapitre 10. Verse 26-31. Verset 26 à 31. Again, still describing the danger. Encore en train de décrire le danger. Of operating under spiritual childhood. D'opérer sous une enfance spirituelle. The very feature that characterized the five foolish virgins. La vraie fonction qui caractérise les saints vierges folles. No wonder they did not enter. Pas étonnant qu'elles n'entrent pas. And the Lord is very clear, they did not enter. Et le Seigneur est très clair, elles ne sont pas entrées. And I want you to understand one thing as a church. Et je voudrais que vous compreniez une chose en tant qu'Église. That the Lord has separated out. C'est que le Seigneur a séparé the unique, minute remnant that has stepped out for His sake. L'unique petit restant qui est sorti pour son bénéfice. That are aware that the rapture is soon. Sont au courant que l'enlèvement est proche. And He has split it into half. Et il les a séparés en deux moitiés. He is split into half of them. Il parle à la moitié d'entre elles. In a very strong language. Dans un langage très fort. It's not the general church you see out there. That one is not talked about. Ce n'est pas l'église générale que vous voyez là dehors. Ce n'est pas d'elle qu'il est en train de parler. He's not talking about the world, people who have not received Christ. Il n'est pas en train de parler du monde qui n'a pas reçu Christ. He's talking about those that have stepped out. Il parle à propos de ceux qui sont sortis. As in waiting on Christ. Parce qu'ils attendaient Christ. And he's telling them, no, you will not manage. Et il leur dit, non, vous ne réussirez pas. You will not be able to enter into the kingdom of God if you operate like that. Vous ne serez pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu si vous fonctionnez comme ça. Now, the book of Hebrews, chapter 10, maintenant, l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verses 26-31, it says, les versets 26 à 31, il dit, if we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire. Il ne restera plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu that will consume the enemies of God. Qui consumera les ennemis de Dieu. He says, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. And he says, how much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace? Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? You see, this borders on actually blasphemy and grieving the Holy Spirit. Vous voyez, cette approche blasphème attriste le Saint-Esprit. Insulting the Holy Spirit, the Spirit of grace. Insulte le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. And he says, for we know he who said, it is mine to avenge, I will repay. Et il dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. And again, the Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. In this very scripture, the Lord is underscoring. Dans cette écriture vraie, le Seigneur est en train de souligner. He's emphasizing. De mettre en évidence. The fact that it is dangerous to know a little bit of the word. Que c'est dangereux de connaître un peu de la parole. To receive the Lord and recycle back into sin. De recevoir le Seigneur et de retourner dans le péché. Most of the church that you see today. Beaucoup d'églises que vous voyez aujourd'hui. Is a recycle church. Sont des églises qui sont retournées au péché. They are always recycling between sin and Christ. Sin and Christ. Elles sont toujours en train d'aller de Christ au péché, de Christ au péché. And I tell you, that's a very pathetic state to operate under. Et je vous dis, c'est un état très pathétique d'opérer là-dessous. Because recycling between sin and Christ. Parce que être en train de passer du péché à Christ. Ultimately, gives you the identity of the five foolish virgins. Automatiquement vous donne l'identité des cinq vierges folles. And brings you into the tribulation because you will not enter the rapture. Et vous amène dans la tribulation parce que vous ne serez pas enlevé. Alléluia. Alléluia. And now, I want to read the last and foremost scripture. Je désire vous lire la dernière écriture qui est avant tout. Which still talks about the same toxic anointing. Qui encore parle à propos de la même onction toxique that characterizes spiritual infancy. Qui caractérise l'enfance spirituelle. The book of Numbers, chapter 15. Le livre des Nombres, chapitre 15. And this is what it says from verses 27 to verse 31. It says, et c'est ce qu'il dit dans les versets 27 à 31. But if just one person sins unintentionally, which means ignorantly, with ignorance, but if just one person sins unintentionally, si c'est une seule personne qui a péché involontairement, sans savoir, he must bring a year-old female goat for a sin offering. The priest is to make atonement before the Lord for the one who erred by sinning unintentionally. Elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. And when atonement has been made for him, he will be forgiven. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Verse 29 of Numbers 15. Le verset 29 de Nombre 15. He says, one and the same law applies to everyone who sins unintentionally, whether he's a native-born Israelite or an alien. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. He goes on verse 30 to say, but anyone who sins defiantly, whether native-born or alien, blasphemes the Lord. Do you see that somebody? On va plus loin au verset 30, mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Vous voyez ça? Anyone who sins intentionally, kimaksudi. Celui qui pêche intentionnellement, he blasphemes the Lord. Il blasphème le Seigneur. And that person must be cut off from his people, because he despises the Lord's word. Et cette personne sera retranchée du milieu de son peuple parce que il a méprisé la parole du Seigneur. And he has broken his commands. That person must surely be cut off. His guilt remains on him. Et il a violé ses commandements. Cette personne sera retranchée. Il portera la peine de son iniquité. So this is very critical. Alors, c'est très important. This is the top now, the peak of the definition. C'est un top maintenant, un pic de la définition. That is attached to the five foolish virgins. Qui a une touche pour les cinq vierges folles. This is what the Lord was speaking to the church. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église. The Lord was saying. Le Seigneur était en train de dire. We cannot have the knowledge of the truth. On ne peut pas avoir la connaissance de la vérité. And we know that the knowledge of the truth implies receiving Christ. Et nous savons que la connaissance de la vérité implique de recevoir Christ. To make him as Lord. Pour le faire notre Seigneur. We cannot have the knowledge of the truth and then continue intentionally into sin. On ne peut pas avoir la connaissance de la vérité et ensuite, intentionnellement, entrer dans le péché. This is a very key scripture. C'est une écriture clé. Even as one talks about the identity of the five foolish virgins. Même si quelqu'un parle à propos de l'identité des vierges folles. And that's why I said, et c'est pourquoi j'ai dit, I'm going to speak with you to greater depth about the marker. Je m'en vais vous parler d'une manière plus profonde à propos du marqueur. The identity marker that was worn by the five foolish virgins. Le marqueur d'identité que les cinq vierges folles avaient revêtu. So you may be able. Alors, vous pouvez être capable to do everything you can de faire tout ce que vous pouvez to avoid that marker. Pour éviter ce marqueur. And in so doing, you'll enter the kingdom of God. Et alors pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Once you know that which did not bring them in, cette fois, vous savez ce qui les empêchera d'entrer. Then you can now do that which brought the others into the kingdom of God. Ensuite, vous pouvez savoir ce qui amène les autres dans le royaume de Dieu. Now, I want to bring us to another level. Maintenant, je voudrais vous amener à un autre niveau. The most important now, I want to bring us to another level. Le plus important maintenant, j'aimerais vous amener à un autre niveau and speak about something very, very important. Et parler à propos de quelque chose très très important. The other people that were rejecting the new covenant. Les autres gens qui étaient en train de rejeter la nouvelle alliance. Those are the Jews. Ceux-ci sont les Juifs. We know very well that the new covenant. Nous savons très bien que la nouvelle alliance came through the blood of Jesus. Est venu à travers le sang de Jésus. The new covenant came through Christ. La nouvelle alliance est venu à travers Christ. And yet, the Pharisees, the Sadducees, et maintenant, les pharisiens, les sadducéens, and even the rest of the Hebrew people, most of them, et même le reste du peuple hébreu, la plupart d'entre eux, rejected Christ. Ont rejeté Christ. But now, do they also fall within the definition of the five foolish virgins? Et maintenant, est-ce qu'ils tomberont aussi dans la définition des cinq vierges folles? How about the church? Et quoi à propos de l'Église? Is there anything the Lord was speaking to the general church? S'il y a quoi que ce soit à propos duquel le Seigneur a parlé de l'Église générale, about this rejection, à propos de ce rejet, I think there is a message here the church can pick also. Je pense qu'il y a un message ici que l'Église peut prendre aussi. Out of the way the Lord was describing the five foolish virgins. Hors de la manière dont le Seigneur était en train de décrire les cinq vierges folles. In fact, essentially, the Lord is directing this message to the church. En fait, essentiellement, le Seigneur dirige ce message pour l'Église. That she may be able to know that he is very prophetic in everything he said. Pour qu'elle puisse être capable de comprendre qu'il est très prophétique dans tout ce qu'il a dit. And this is yet to come. Et ça va venir maintenant. That is the day of the rapture. C'est le jour de l'enlèvement. Now, I want to feature one area here. Maintenant, j'aimerais figurer un espace ici. In the book of Ezekiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapter 44, chapitre 44, the Lord speaks very clearly about Jerusalem. Le Seigneur parle très clairement à propos de Jérusalem. And I'm reading Ezekiel 44. Alléluia. Et je suis en train de lire Ézéchiel 44. Alléluia. In that conversation with Jerusalem and Israel is hidden the prophecy and the message to the church. Dans cette conversation avec Jérusalem et Israël, il est en train de cacher la prophétie pour l'Église. Which is very much related and tied into the identity of the five foolish virgins. Qui est très relié et rattaché à l'identité des cinq vierges folles. And the rapture. Et à l'enlèvement. Ezekiel 44, verse 1. Ezekiel 44, verset 1. Then the man brought me back to the outer gate of the sanctuary, the one facing east, and it was shut. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. The Lord said to me, "This gate is to remain shut." Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. It must not be opened, no one may enter through it. Elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera. it is to remain shut because the Lord, the God of Israel, has entered through it. Elle restera fermée car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. The prince himself is the one who may sit inside the gateway to eat in the presence of the Lord. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. We can even stop there. On peut même s'arrêter là. Now, why was the eastern gate of Jerusalem shut? Maintenant, pourquoi est-ce que la porte de l'Orient de Jérusalem était-elle fermée? If you go back to the book of Mark, chapter 11, si vous allez dans l'évangile de Marc, chapitre 11, then you'll understand why the Lord shut that gate. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a fermé la porte. Mark, chapter 11. Marc, chapitre 11. Verses 1 to 11. Versets 11, 1 à 11. It speaks very, very clearly about why this gate is shut. Il dit très, très clairement pourquoi cette porte est fermée. Verse 1 to 11. He says, as they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, go into the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden, undefiled. Il dit au chapitre 11, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Bethany, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. » You see, untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you doing this? Tell him, the Lord needs it and will send it back here shortly. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Then they went and found the colt outside in the street, tied at the doorway. As they untied it, some people standing there asked, what are you doing untying the colt? Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur l'avait dit, et on les laissa aller. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many spread their cloaks on the road, while others spread branches that they had cut in the field. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Blessed is the coming king of our father David. Hosanna in the highest. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père. Hosanna dans les lieux très hauts. Verse 11, it says, Jesus entered Jerusalem and went to the temple. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Verset 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà très tard, il s'en alla à Bethany avec les 12. Now, this actually was the rejection of Christ. Maintenant, ceci, actuellement, c'était le rejet de Christ. This was the exact image of how Jerusalem and the temple rejected Christ. C'était l'image exacte de comment Jérusalem et le temple ont rejeté Christ. You can be sure that inside the temple there were Pharisees and the Sadducees. Vous pouvez être sûr que dans le temple il y avait des pharisiens et des sadducéens. And many of the Hebrew community, the Jewish people, the Israelites. Et beaucoup de la communauté des Hébreux, le peuple juif, les Israélites. They were praying inside. Ils étaient en train de prier à l'intérieur.

parce que le Seigneur a dit, elles se sont pas rendues disponibles pour être remplies du Saint-Esprit. Isn't that an amazing revelation unto the church? Est-ce que ça n'est pas une importante révélation à l'Église?